secrets, moi j'ai les miens. Un nom, une voix, mais mille regards dans l'ombre prêts à suivre. Riders qui l'avance, mais jamais seul. Riders qui le parle et ils écoutent. Riders qui l'avance, mais jamais seul. Riders qui le parle et ils écoutent. Ils sont.